et je ne m'en fais pas. À rester trop près de toi, je ne m'en sortirai pas. Alors laisse-moi te fuir, je ne veux plus me détruire. Je n'en peux plus te souffrir, librement je veux partir. Je vais tout changer, renverser les règles du jeu. Si je veux, mon cœur a crié liberté, j'ai confiance et je peux. Si je veux, yeah, je ne resterai pas seule sous la pluie. Le soleil brillera demain. Sur notre histoire, t'as pas fait attention à moi, c'est bon.